Allez Paolo, on se réveille, on se lève, debout, on a de la visite. Ah, de la visite à 7h? Il n'est pas encore 7h Paolo, il est 6h30 du matin. Allez, lève-toi, fais-toi propre, je t'amène ton visiteur. Très bien, très bien. Ça va? T'es toute coquette, Paolo? Oui, surveillant, m'attends. Faites entrer. Je suis prêt à recevoir. Oh mon Dieu, ta cellule est pas rangée? Je t'avais dit qu'il fallait que tu ranges ta cellule. Alberto, lui, au moins, il a une cellule propre. Ah, je sais, je sais. Alberto a toujours été votre préféré. Et jusqu'à ton arrivée, c'était le seul détenu qu'on avait, hein? Allez, on me la fait pas, moi, hein? La prochaine fois, tu ranges ta cellule, d'accord? Je fais entrer ton visiteur. Monsieur Thins? Non, David. Vincent David. Bonjour, docteur Bottomy, j'espère que vous allez bien. Vous voulez que j'aille où? Quoi? Non, je vous demandais juste si vous y alliez bien physiquement. Ah, oh, ça va. Mais j'ai une poule, là. C'est normal, ça, docteur Bottomy, c'est la pomme d'Adam, là. Oh mon Dieu! J'ai affalé la pomme d'un homme que je ne connais même pas! Je suis un monstre! Mais non, docteur Bottomy, mais non, ressaisissez-vous. Je suis là pour vous aider en vue de votre procès. Je suis votre avocat connu de l'office. Connu de l'office? Oui, l'office de tourisme de Bitbourg me connaît relativement bien. Après tout, aussi loin que je m'en souvienne, je suis le seul touriste à être jamais venu ici. Mais vous êtes avocat ? Je croyais que vous étiez chargé de commission au bureau. Oui, mais un chargé de commission au bureau est obligé de faire un peu de droit pour être chargé de commission au bureau. Bon, j'ai lu votre dossier. Cela s'annonce mauvais, hein, docteur Bottomy. Alors que tout semblait bien parti en réalité. Aucune trace du cadavre de la victime, le prétendu George Dumbo. Aucun témoin. Ah non, il y a bien le surveillant Maton qui affirme vous avoir vu enterrer le corps dans la forêt. Mais comme on n'a retrouvé aucune trace du corps, cela va en votre faveur. Vous vous obstinez toujours à plaider coupable ? Je suis coupable ! Non, attends une minute. Écoute, docteur. Tu pars tout de suite sur de mauvaises bases. Non, vraiment. Bon, bien sûr, tout le monde est un peu coupable de quelque chose, mais c'est pas une raison pour s'accuser d'un meurtre comme ça. Tu te rends pas compte du mal que tu te fais. Mais je suis coupable! J'ai tué un homme! J'ai tué Gérard Dumbo par jalousie! Gérard Dumbo, médecin. Il vient de la grande ville, hein, c'est ça? C'est ça. C'est un ancien camarade d'études. Enfin, c'était. C'était également un docteur de renommée mondiale, dans le milieu des docteurs en tout cas. C'est exactement ça. Très bien. Le procès risque d'être très difficile pour votre morale, docteur Bottomy. Il va vous falloir vous accrocher. Monsieur le directeur a fait appel à un juge d'une grande ville pour instruire le dossier. Aussi loin qu'on s'en souvienne, on n'a jamais eu de juge à Bitbourg. C'est le juge Alibuprofen qui s'occupera de ce cas. Il est réputé pour sa sévérité, son manque d'écoute et des crises de Gilles de la Tourette. Pardon ? Vous voulez dire qu'il est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette ? Oui, je ne sais pas trop ce que c'est, mais vous êtes docteur, vous pourriez m'expliquer ? Eh bien, c'est... Juge Alibuprofen, comment allez-vous ? Monsieur le directeur, c'est un plaisir de vous revoir. Salope, va bouffer tes morts, connasse ! Comme vous avez fait des progrès, monsieur le juge, vous faites moins de 20 insultes maintenant. Oui, je suis content. Putain, connasse de ta mère, la pute ! C'est beaucoup mieux pour vivre en société. Avec Roby, le meilleur animateur du centre du monde. Yes, hi, c'est Roby qui vous parle en direct de BBFM. Bonjour à tous, Bitbourangeois, Bitbourangeoise. On se réveille, wake up, everybody. Wake you up before you go. Big up à George Michael qui a fait beaucoup de morceaux de merde et qu'on aurait tellement oublié. Yes, hi, c'est aujourd'hui que s'ouvre le grand procès de Bitbourg. Le procès qui oppose Paolo Bottomy à l'État, puisque le médecin-chef de l'hôpital de Bitbourg s'accuse lui-même de meurtre. Je suivrai bien sûr toute cette affaire pour vous en direct du palais de justice qui a été installé dans la mairie. Puisque si moins qu'on s'en souvienne, on n'a jamais eu de palais de justice à Bitbourg. Yes, hi, on se retrouve tout de suite après un petit peu de musique. « C'est la grande salle des fêtes d'habitude, et pas un tribunal. Regardez-moi tous ces bancs qui gâchent le magnifique parquet. C'est juste le temps d'un procès, monsieur le maire. Vous retrouvez votre salle des fêtes comme vous la connaissiez à l'issue du procès. Oui, mais bon, c'est quand même ma salle des fêtes. Et si je voulais organiser une soirée polka, hein? Comment je ferais donc, monsieur son conseil, si ma salle des fêtes est utilisée par la justice? Eh bien, pas de soirée polka, monsieur le maire. La vie est si dure, parfois. 10h30 du matin. Salle des fêtes de Bitbourg. Début du procès de Paolo Bottomi. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas replongé dans mes bouquins de droit et encore plus longtemps que je n'avais pas vu un épisode de Perry Mason. Car c'est là que je puisais cette envie de devenir avocat. Au lieu de passer mon examen du barreau, pas celui que l'on passe chez le docteur, mais celui qui permet de devenir avocat, je suis devenu chargé de commission au bureau. Mais là, dans ce métier comme dans bien d'autres, il était obligatoire d'avoir des notions de droit. Ce jour-là, dans la salle des fêtes, les gens attendaient avec impatience le début du procès de Paolo Bottomi. Et je devais le défendre. Vincent ? Vincent ? Rebecca ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue assister au procès et on m'a assigné à comparaître comme témoin de l'accusation. Mon Dieu, Rebecca, je me crois pas et... Tu parles allemand. Je ne comprends plus rien. Calme-toi. Respire ! Rebecca, déjà que tu ne me crois jamais quand je te dis qu'il y a des conspirations à Bitbourg, tu dois en plus te retourner contre moi et témoigner en la défaveur de mon client. Écoute, ça fait 2 jours au moins que je n'ai aucune nouvelle de toi. T'as dormi où ? Je peux le savoir ? Comme t'étais pas là quand on m'a demandé d'être témoin de l'accusation, fallait bien que je fasse un choix. Bon, excuse-moi, mais... Vincent, je crois en toi. Tu as toujours été très bon en droit dans le bureau. Tu peux gagner ce procès. Quant à moi, je suis désolée de ce que j'ai fait. Je ne savais pas. Je m'inquiétais, tu sais. D'accord. Oh, Rebecca, ça me fait tellement plaisir de te retrouver comme tu étais au début du feuilleton. Oh, Vincent, moi aussi. Allez, on oublie tout et on repart sur de nouvelles bases. Attends, je suis pas comme au début du feuilleton. Il manque quelque chose. Ah oui, ça y est. Il faut que je glousse. Oh, Rebecca, cela me fait tellement plaisir. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Le procès va bientôt commencer. Oui, à tout à l'heure. Vincent, si tu savais comme tu m'as manqué. J'étais heureux que Rebecca croie en moi pour une fois. Depuis notre arrivée à Bitbourg, elle ne m'avait jamais fait confiance. Et là, pouf, elle croyait en moi. C'était la fête du bonheur et de la suffisance dans ma tête. Mais un long et difficile procès m'attendait. Bonjour, monsieur David. Bonjour, docteur Bottomi. Je m'assois. Allez-y. Vous êtes prêt ? Oui. Mes cheveux allaient en prison, moi. Je vous promets que je ferai tout pour que vous n'y alliez pas. Mais... Non, Paolo. Ne me dites pas merci. C'est... Non, vraiment, c'est mon travail. Ne vous inquiétez pas. Cheveux allaient en prison ! C'est mon devoir de prouver au monde que vous avez été victime d'une conspiration. Je suis coupable ! Oui, Paolo. Moi aussi, je suis sûr que vous êtes innocent. Mais chut, ça a commencé. Mesdames et messieurs, la cour. On se tait dans la salle, s'il vous plaît, on se tait. Ta mère, la chienne. On se calme, je ne veux aucun bruit. Mesdames, messieurs, je vous présente le juge chargé du dossier Paolo Bottomi. Le juge à l'ibuprofène qui nous fait le plaisir de venir à Bitbourg pour juger le docteur Bottomi et déterminer si oui ou non il a commis des choses très très vilaines. Oh. On se tait. Putain de taras, sale poule. Monsieur le directeur, vous serez l'avocat général. C'est cela, oui. La défense ? Monsieur le juge, c'est moi qui assurerai la défense. Et vous êtes ? Vincent David, défenseur des opprimés, et certain que ce procès n'est dû qu'à une énorme conspiration. Très bien, je voudrais d'abord remercier monsieur le maire de Bitbourg, ici présent, qui nous offre sa salle des fêtes pour que nous puissions effectuer ce procès en bonne et due forme. Connard, salaud. Mais pourquoi il m'insulte comme cela, monsieur son conseil ? Mais ce n'est pas de sa faute. Le juge à l'ibuprofène est atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Il ne peut contrôler tout ce qu'il dit. Des fois, il va sortir des gros mots sans s'en rendre compte. Bon, ça ne résout rien du problème. C'est ma salle des fêtes. J'espère qu'ils vont la rendre propre. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire. Nous aurons de quoi faire le ménage, sinon. Nous ferons appel à Jacqueline Aboubillara, la femme de ménage du centre de détention, Jacqueline Boubillard. Silence, vos gueules ! Nous traiterons donc... Choisis bien ces mots, lui. de l'affaire Paolo Bottomi, accusé de meurtre en la personne du docteur Georges Dumbo. Que plaidera la défense ? Coupable. Non coupable, monsieur le juge. Mais je suis coupable, merde ! Mon client ne sait pas ce qu'il dit. Je sais très bien ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, vous savez pas ce que vous dites, docteur. Faites attention à ce que vous dites, vous. Je dis ce que je veux. Vous allez vous mettre d'accord, oui ou non ? Salope, petit chien, va manger ta merde. C'est ça, être atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Mon Dieu, comme ça doit être gênant. Bon, l'accusé plaide non coupable, comme cela tout le monde est d'accord. Accusé non coupable, voilà. La séance est ouverte, veuillez fermer la porte de la salle, il y a un courant d'air. Merci, le procès peut débuter. Monsieur le directeur venait d'exposer tous les griefs retenus contre mon client, le docteur Paolo Bottomi. Soit un meurtre avec préméditation. Je ne pouvais pas laisser passer cela. Vous accusez donc le docteur Paolo Bottomi, seul chirurgien de l'hôpital de Bitbourg, de meurtre avec préméditation. Objection, votre honneur. La défense n'a aucune connaissance de ce préméditation qui serait le complice du meurtre de Georges Dumbo. Objection retenue. Mais préméditation, ce n'est pas une personne, c'est un mot. Monsieur le directeur de la prison, nous nous fichons royalement de savoir de quelle nationalité il est. Veuillez continuer, s'il vous plaît. J'avais terminé, monsieur le juge. La défense peut exposer son point de vue. Maître Vincent. Vincent David, monsieur le juge. Je ne vous en tiendrai pas rigueur, beaucoup de gens se trompent. Veuillez avancer, maître David. La parole est à vous. Monsieur le juge, monsieur l'avocat général, ou devrais-je dire monsieur le directeur de la prison, qui attend avec impatience qu'un nouveau détenu vienne donner une raison d'exister au centre de détention. Objection, votre honneur. La défense évoque le fait que nous ne possédons qu'un seul détenu dans notre prison et suppose que mon travail est de remplir une prison, non de combattre le crime. Votre travail est de combattre le crime ? Non, juste de gérer le centre de détention. Objection rejetée. Je peux continuer ? Allez-y, cochon, cochon, sale connard. Ok, très bien. Messieurs et mesdames les jurés, bite bourgeois, bite en bourgeoise, c'est avec un grand honneur que je viens ici défendre un innocent. Et quel innocent ? Je suis coupable ! Un homme qui clame sa culpabilité. Un homme qui se ronge, qui a peur. Peur de qui ? Peur de quoi ? Pourquoi tient-il tant à ce que l'on mette en prison ? Peut-être parce que c'est pour lui le seul moyen d'être à l'abri. Mais à l'abri de qui ? À l'abri de quoi ? Je vous demande à vous tous de vous poser cette question. Pourquoi un homme au-dessus de tout soupçon qui a semé le bonheur partout dans cette ville en guérissant des gens s'accuserait-il du meurtre qu'il n'a pas commis ? À vous de trouver la réponse. C'est tout ? C'est tout, votre honneur. C'est court. Ah oui, mais c'est bon, hein ? Oui, mais quand même, tout ça pour ça. Mais rendra quand vous rigolerez après ! Ah, ne le prenez pas sur ce ton, couille molle ! Couille molle ! Mange tes chaussettes avec du curry ! Ah, remarquerai pas. Mais je ne vous ai pas du tout insulté. Va bouffer tes crevettes, morue, cabillaud, connard. Veuillez vous rasseoir, maître. Ouais, je me rassois, puis c'est en bonne voie, Paolo. Hein. J'ai été exceptionnel de maîtrise verbale. Vers qui ? Monsieur l'avocat général. Vous pouvez m'appeler madame l'avocat général. Je vous demande pardon. Vous êtes tout excusé. Mais pourquoi doit-on vous appeler madame l'avocat général alors qu'on vous appelle autrement monsieur le directeur ? Je suis une femme, merde ! On m'appelle monsieur le directeur parce que c'est mon nom, c'est tout. D'accord, madame l'avocat général, c'est à vous. J'appelle mon premier témoin à la barre. Je vous en prie, madame l'avocat, je ne crois pas que cela excite réellement un procès pareil. J'appelle le surveillant Maton. Surveillant Maton, veuillez avancer. Tout de suite, monsieur le directeur. Ce sera madame l'avocat général, le temps du procès, surveillant Maton. Très bien, alors appelez-moi de témoin Maton, madame l'avocat général, parce que moi, on me la fait pas, hein. Très bien. Témoin Maton, vous êtes le surveillant en chef. Le seul surveillant. Le seul surveillant en chef du centre de détention Jacqueline Boubillard, c'est exact ? Vous le savez bien, monsieur, madame l'avocat général. Pas de familiarité entre nous, témoin Maton. Témoin Maton, dans la déposition que vous avez faite ce matin dans mon bureau, vous affirmez avoir aperçu le docteur Paolo Bottomi et son infirmière dans la forêt pour, je cite, « emmerder un malgache ». Non, enterrer un cadavre. Ah, autant pour moi. C'est que vous écrivez comme un sagouin aussi. J'essaie de m'appliquer pourtant. L'homme que vous avez vu en train d'enterrer un corps dans la forêt se trouve-t-il présent dans la salle ? Tout à fait. Pouvez-vous me le montrer du doigt ? Non. Pourquoi donc ? Mais on m'a toujours dit que c'était mal de montrer quelqu'un du doigt. Alors, montrez-le-moi de la main. C'est lui, monsieur le directeur. Madame l'avocat général. Madame l'avocat général, c'est le docteur Paolo Bottomi, il est présent. Silence, silence, je vais évacuer la salle. Ta mère couche avec Michel Denisot, ordure, ordure. Pardon, je suis désolé, je sais pas ce qui m'arrive, je vais quitter la salle, hein. Ne vous en faites pas pour moi. Pardon, excusez-moi encore. C'était donc le docteur Paolo Bottomi qui enterrait un cadavre dans la forêt. Et pourquoi enterrer un corps s'il n'en était pas lui-même l'assassin, hein? Je vous le demande. Objection, votre honneur. Oui, maître David. Il a pas prêté serment, hein. Le témoignage du surveillant Maton est irrecevable. Toc, prends ça dans ta gueule. C'est vrai ça, vous n'avez pas prêté serment, monsieur Maton. Surveillant Maton, je vous prie. Très bien, prêtez serment. Je prête serment et... Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. On recommence depuis le début, si j'ai bien compris. Vous avez bien compris. Bon, témoin Maton, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur. Madame l'avocat général, témoin Maton. La séance avait été suspendue. Monsieur le maire avait vomi dans la foule tout ce qu'il avait dans le ventre. Une crise passagère, d'après monsieur son conseil municipal. Vous allez bien, monsieur le maire? Je vais mieux. J'ai encore quelque chose au fond de la gorge. Je ne sais pas ce que c'est. Tout ça, c'est à cause des chocolats que vous m'avez forcé à manger la dernière fois. Le chocolat était très bon, monsieur le maire. Je ne vous permets pas. Alors pourquoi le chien qui a fini la boîte est mort en 5 minutes après, hein? Dites. C'est une voiture qu'il a écrasée, non? Ça, oui, il avait l'air d'être écrasé, oui. Mais ce n'était pas une voiture. Les chocolats lui ont donné une crise de diarrhée énorme et... Monsieur le maire, arrêtez, voyons. Ces chocolats étaient très bons. Non, vos chocolats étaient dégueu. On ne dit pas dégueu, mais dégueulasse. Emmenez-moi aux toilettes, je vais encore vomir. Pas sur mes chaussures. Durant la pause, Paolo et moi, nous sommes allés dans un petit bureau pour faire le point sur le procès. Plusieurs témoins avaient été entendus, tous sans la défaveur du docteur. Cela se présentait mal. Pourquoi vous obstinez-vous, monsieur David? Je suis coupable. Je veux être jugé coupable. Vous n'avez aucune conscience de ce que vous dites. Vincent, tu peux entrer? Rebecca, comme je suis heureux de te voir. Oh oui, moi aussi. Je suis vachement contente. Vous voulez peut-être que je vous laisse? Non, on n'a jamais couché ensemble. On n'a pas besoin d'être seul. Très bien. Rebecca? Oui, Vincent? Est-ce que des fois, quand même, il t'arrive de croire en moi? Lorsque tu ne parles pas d'éventuelles conspirations qui toucheraient Bitbourg? Oui. Mais depuis que nous sommes arrivés à Bitbourg, je t'ai toujours parlé de ces conspirations. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Mais sinon, je crois en toi, pour te faire plaisir, si tu veux. Ça me fait plaisir. Je crois en toi, Vincent. Tu es un héros. Rebecca, si tu crois en moi... Viens témoigner à la barre. Vincent, la dernière personne qui m'a demandé ça, j'étais consentante. Et j'avais déjà couché avec elle avant. Témoigner à la barre dans un procès. C'est encore plus pervers et... Oh, d'accord. Ah non, je pensais à tout à fait à autre chose. Désolée. Témoigne en la faveur du docteur Paolo Bottomi et des victimes d'une machination. Ah bon? Je croyais que c'était d'une conspiration. C'est la même chose. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Je le connais à peine. C'est toi qui t'étais fait opérer par lui, pas moi. On va bien trouver quelque chose. Oui. On va bien trouver quelque chose de crédible. Oui, c'est le docteur Paolo Bottomi qui a mis mon enfant au monde. Oh. Et votre enfant se trouve où, mademoiselle? Comment déjà? Rebecca, comment déjà? Je vous ai déjà dit mon nom quand j'ai prêté serment. L'enfant de de mademoiselle comment déjà? Mais enfin, Vincent, c'est moi, Rebecca. Tu connais mon nom de famille quand même. C'est comment déjà? Oui, c'est ce que j'ai dit, comment déjà. L'enfant de mademoiselle, enfin, ici présente, est... Oui, il est... En fait... En réalité, vous ne savez même pas où se trouve votre enfant. Voilà, c'est ça. Vous savez, à partir d'un certain âge, ils ne reviennent à la maison que pour manger. Et encore. Et votre enfant a quel âge? Vous êtes arrivé à Bitbourg il y a 4 mois, c'est bien ça? Et le docteur Paolo Bottomi vous a accouché depuis que vous êtes à Bitbourg, je ne me trompe pas? Non. Votre enfant a donc 4 mois tout au plus. Il est très précoce, vous savez, monsieur le juge. À 1 mois, il faisait déjà pipi debout. Et à 2, il a mis une de ses copines de classe enceinte. Tout cela partait très mal. Mais j'étais sûr que le témoignage de Rebecca allait aider Paolo, et puis les témoins se succédèrent. Carole, patron de la Joyeuse Goutte. Très bien, Carole. vous connaissez bien le docteur Paolo Bottomi ? Oh, ça oui, c'est comme si on avait été ensemble dans la classe du 06, 04, 05, 08, 09. Silence, silence, sale cloporte, pauvre. Monsieur Peter Broching, vous êtes le coiffeur de Too Big Boo, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, Peter Broching. Toute coupe, tout cheveu prend aussi les enfants. Avez-vous déjà coiffé l'accusé ? Oui, tout à fait. Et comment sont ses cheveux ? Oh là là là là ! Dur à coiffer et souvent très sec. Ce sera tout, votre honneur. Objection, votre honneur, l'accusation tente de démontrer que parce qu'on a de mauvais cheveux, on n'est plus capable de tuer quelqu'un. Objection rejetée. Mais pourquoi ? Charles Manson avait des cheveux dégueulasses. C'est peut-être une des raisons qui l'a poussé à tuer une vingtaine de personnes. Carole ? On se connaît depuis pas mal de temps déjà. Oui, c'est moi qui vous loge avec votre copine Rebecca au-dessus de mon bar. Vous ne voudriez pas me décevoir, Carole ? Bah non, des fois vous êtes chiant, mais des fois vous êtes sympa aussi. Alors je veux pas vous décevoir. Très bien. Alors dites-nous ce que vous pensez du docteur Paolo Bottomi. C'est un type bien, il a soigné ma sœur une fois. Et votre sœur va mieux, non ? Bah, c'est-à-dire qu'elle est morte. Oui, mais... Mais qu'a fait le docteur Bottomi en vous annonçant la nouvelle ? Il s'est excusé. Vous voyez, monsieur le juge, le docteur Paolo Bottomi s'est excusé ! Devrions-nous oublier le pardon après de telles excuses ? Je m'appelle Jean Branle-Pas-Une. Profession ? Sans. Où étiez-vous ces derniers jours, Jean Branle-Pas-Une ? J'ai attrapé un rhume, je m'étais baigné dans le lac de Bitbourg. Hein ? Vous avez un lac à Bitbourg ? Bah oui, vous le savez bien, vous êtes allé y faire un tour de pédalo il y a 3 semaines. Ah oui, c'est vrai, mais... Et comment savez-vous que je suis allé y faire du pédalo ? J'étais seul avec mon informateur secret. Un informateur secret, monsieur Vincent ? Oui, C'est que... C'est que... Moi aussi, j'ai un informateur secret. On n'avance pas ! Reste confiant, ça va aller ! Ça va aller ! Vous savez jamais coucher ensemble, d'accord. Mais pour que mademoiselle Rebecca vous masse, c'est que vous avez un sérieux degré d'intimité. On n'a jamais couché ensemble, on vous a dit. On n'a jamais couché ensemble, on vous a dit. Enfin, je ne vois qu'un joker pour cette fin de procès. Vincent, ne vous démenez pas comme ça. Je veux être emprisonné, je vous l'ai dit. Vous êtes innocent. Des gens conspirent contre vous, mais il faut que je prouve qui. Pour l'instant, je dois vous disculper. J'ai comme la nette impression que tout va se jouer durant le témoignage de votre infirmière, Jennifer. Faut que j'aille aux toilettes. Vincent ? Jacqueline ? Mais qu'est-ce que vous faites dans les toilettes des hommes ? Je viens vous aider. Merci, ça va aller pas aussi lourd qu'on pourrait le croire. Je viens vous aider pour le procès, Vincent. Je viens vous aider à prouver au monde que les conspirations existent. Je viens mettre mon plan à exécution. C'est le moment, Vincent. Votre plan à exécution ? C'est-à-dire ? Vous voulez que les conspirations s'arrêtent à Bitbourg ? Ceux qui veulent que notre charmante ville du Bas-Rhin devienne un enfer ne peuvent agir avec l'aide involontaire d'un homme implanté dans la ville. Et qui est le mieux implanté dans la ville ? Le Périsan ? Non, monsieur le maire. Monsieur le maire, bien sûr, mais c'est pas ce que j'avais répondu ? Si, bien sûr, Vincent. C'est moi qui avais mal compris. Je me disais aussi. Alors, votre plan ? Les élections n'ont malheureusement pas marché. Vous auriez fait un bon maire, pourtant. Non, merci, ça me touche beaucoup. Vous pourriez vous reculoter, s'il vous plaît. Oh, pardon, j'avais pas fait attention, mais... Mais c'est que nous sommes dans des toilettes pour hommes, vous savez, j'ai pas trop l'habitude de me retrouver avec une femme dans des toilettes pour hommes. Aussi loin que je m'en souvienne, moi non plus. Enfin bref, si les élections n'ont pas marché, c'est pour une bonne raison. C'est à cause des conspirations. C'est ça. Et qui avait tout intérêt à conspirer pour que vous n'atteigniez pas la mairie ? Monsieur le maire, bien sûr, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? C'est la question que je voulais vous poser. J'ai la preuve écrite que monsieur le maire a utilisé de faux électeurs pour se faire élire. Mon Dieu, comme c'est vilain. Je ne vous le fais pas dire. Et que fait-on aux gens qui ont fait des choses très très très vilaines ? On les met dans le centre de détention qui porte votre nom, Jacqueline Boubillard, la plus grande voleuse jamais arrêtée ce jour. Mais au fait, comment avez-vous eu ces papiers ? Je les ai volés. Ouais, à question stupide. Réponse intelligente, on se comprend. Bon, tenez ces papiers et attaquez le maire directement. Ça détournera l'attention. Paolo Bottomi obtiendra un non-lieu et le maire sera destitué. Comme ce plan me plaît. C'est celui que je vous ai promis, Vincent. Allez, dépêchez-vous. Lavez-vous les mains et partez conquérir Bitbourg. Ça va, Paolo, vous tenez le coup ? Avec vous, c'est difficile, monsieur Vincent. Je ne veux pas être acquitté, vous comprenez ça ? Est-ce que vous comprenez le mot acquitté ? Naki ? Hein ? Désolé, je vous ai pas écouté. Vincent, Vincent ! Hey, Vincent ! Carole, retournez vous asseoir, la séance va recommencer. C'était juste pour vous dire que pour une fois, je suis de tout cœur avec vous. C'est pas possible que le docteur ait assassiné quelqu'un, hein ? Mais merde, je vous dis que je l'ai tué ! Oh, ça va, vous, hein ? On vous a pas demandé votre avis. On n'est pas comme au 08 36 52 53 45. Retournez vous asseoir, Carole. Le procès reprend. Mesdames, messieurs, monsieur le juge. Merci, merci. Tête de mort, foutre ciel. Veuillez vous asseoir, je vous prie, madame l'avocat général. Monsieur le juge, avant de terminer, j'appelle mon dernier témoin à la barre, l'infirmière Jennifer. Silence, silence, ou je fais évacuer la salle. Salaud, salaud, va manger chez ta sœur avec l'écurie. Comme ceci doit être gênant, monsieur son conseil municipal, être atteint d'une maladie comme celle-là. Le syndrome Gilles de la Tourette, vous voulez dire ? Oui, le syndrome Gilles de la Fourchette, comme vous dites. Sortir des insultes sans les contrôler à chaque montée de tension, ça doit être dur à ivre. Vivre, monsieur le maire, quelqu'un d'ivre, c'est quelqu'un qui a bu. Non, mais je n'ai rien bu, monsieur son conseil municipal, rien du tout. Mademoiselle Jennifer ? Oui, monsieur le juge, vous avez une superbe robe, monsieur le juge. Merci, vous veuillez prêter serment, je vous en prie. Bah, c'est que j'ai aucun serment sur moi, comment voulez-vous que je vous en prête ? Eh ben, on est mal barré. Je ne vous le fais pas dire. Mademoiselle Jennifer, vous êtes infirmière à l'hôpital de Bitbourg. C'est ça, je suis l'infirmière personnelle du docteur Paolo Botomi. Personnelle ? Comment ça, personnelle ? Eh bien, on se prête des choses personnelles, et on se montre des choses personnelles aussi. Tout ça, c'est personnel et intime. Vous voulez dire que vous aviez une liaison avec le docteur Paolo Botomi ? On n'avait pas de liaison. On était ensemble. On est vraiment très mal barrés, là, docteur. Elle parle trop, mon Dieu ! Elle parle trop ! Vous avez rencontré le docteur Georges Dumbo, le soi-disant ami de l'accusé ? Oui, il a voulu jouer avec moi au docteur. Et c'est pour ça que le docteur Botomi s'est énervé qu'il l'a... Qu'il a quoi ? Oh non. Oui, dis-le, Jennifer. Dis que je suis coupable. Il l'a fortement grondé. Oh oui, oh là là là là là là, il l'a grondé très très fort. Hein. C'est tout ? Il ne l'a pas tué ? Non, c'est un autre qui l'a tué. Qui ça ? Puis... Qui a tué Georges Dumbo ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Est-ce que j'ai une tête de première de la classe ? C'est ça, déjà depuis toute petite, j'étais beaucoup trop belle pour être intelligente. Et vous allez me faire chier parce que j'ai les cheveux bouclés et que j'ai une bonne petite poitrine et des fesses encore vraiment très très fermes. Jalouse, espèce de jalouse. C'est pas parce que je sais pas épeler anatomie que j'en fais pas et pour autant une mauvaise infirmière. Calmez-vous, Jennifer, je vous en prie. Madame l'avocat général, face à un tel spectacle pitoyable, je suggère de laisser la parole à la défense. Vous reprendrez votre interrogatoire plus tard. Très bien, monsieur le juge. Calmez-vous, Jennifer, calmez-vous. Maître David ? Présent. C'est à vous. Mademoiselle Jennifer, vous disiez il y a un instant que c'est quelqu'un d'autre qui a tué Georges Dumbo. C'est bien cela ? Oui. C'est quelqu'un d'autre qui a tué Georges Dumbo avec un club de golf et qui l'a enterré dans la forêt. Et c'est pas le docteur Botomi. C'est donc quelqu'un d'autre. Oui. Ce sera tout, votre honneur. Ce fut court, maître David. Oh oui, mais ce fut bon. Très bien, la séance est levée pendant une heure, histoire que les deux parties préparent leur plaidoirie. J'ai dit... Rebecca, viens là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça y est ? T'es sûre d'avoir gagné ? Enfin, Rebecca, tu me connais, ne suis-je pas Vincent David, le chargé de commission au bureau que tu fréquentes depuis 10 ans ? Je croyais que vous n'aviez jamais couché ensemble ! Oh, toi, ta gueule ! Toi, ta gueule ! Prépare-toi à un retournement de situation, je vais frapper là où ça fait mal. Oh non, Vincent ! On avait dit qu'on arrêtait le catch en salle depuis qu'on a découvert que tu étais atteint de la maladie de Monsieur Dumbo ! Calme. Calme ! Je comprends plus rien. Ça ne concerne pas ma maladie, c'est autre chose. Les temps vont changer à Bitbourg, crois-moi. Les temps vont changer. Nous reprenons la séance pour la fin de ce procès, j'espère. Madame l'avocat général, c'est à vous. Objection, votre honneur. Pardon, maître David, il n'y a aucune objection à faire. En réalité, j'aimerais parler avant monsieur le directeur. Madame l'avocat général. Enfin quoi, c'est pourtant pas bien compliqué. Madame l'avocat général, pardon. Eh bien si, madame l'avocat général n'y voit pas d'inconvénient. Je n'en vois aucun. Très bien. Je me lève. Bite bourgeois. Bite en bourgeoise. Si nous sommes réunis ensemble, en ces lieux, aujourd'hui, c'est pour tenter de définir si oui ou non Paolo Bottomi est coupable de meurtre en la personne de George Dumbo. Ma réponse à cette accusation est claire, nette et sans bavure. Oh pardon. Pardon, là j'ai bavé. C'est parce que j'ai là, j'ai un trop plein de salive. Pardon. Donc pour moi, il ne fait aucun doute que Paolo Bottomi est innocent. Pourquoi donc ? Parce qu'il clame sa culpabilité depuis le début. N'est-ce pas là une preuve de son innocence ? Mais alors qui a tué George Dumbo ? Oui, qui cherche à faire du mal à Bitbourg ? Qui conspire ? Je vous le demande. Mais j'ai la réponse. Le meurtrier est ici, dans cette salle. Hein ? Où donc ? Chut, monsieur le maire. Chut. Endormez-vous. Qui a tout intérêt à voir un homme comme le docteur Paolo Bottomi chuter ? Qui a intérêt à voir ses prisons remplies pour justifier les dépenses pour la construction du centre de détention de sa commune ? Et qui a utilisé de faux électeurs pour se faire élire de Bitbourg ? Mais de qui il parle là ? Je crois que nous ferions mieux de partir, monsieur le maire. Partir loin, très très loin, pendant un certain temps. Oui, mes amis. La personne que nous devons juger n'est pas le docteur Paolo Bottomi. Mais si ! Mais bien monsieur le maire de Bitbourg qui a usé de faux électeurs pour se faire élire, j'en ai la preuve. Il a voulu empêcher de vous donner du bonheur. Monsieur le maire est coupable. À bas, monsieur le maire ! Mais qu'est-ce que tu viens de faire, Vincent ? Je viens de battre la plus grande conspiration jamais faite à ce jour. Je viens de devenir le maire de Bitbourg. Taisez-vous, du calme, lâchez ma robe, salaud, ordure. Merci Jacqueline, merci d'avoir fait de moi un héros. M'emmenez-vous comme ça, monsieur son conseil municipal? J'ai mal au mollet, moi. Je suis crevé comme un pneu. Je vais vous montrer un endroit où vous pourrez vous cacher pendant un certain temps avant qu'on trouve un moyen de remettre de l'ordre. Ce Vincent David, là, il a foutu le bordel. Ah, il peut être fier, hein, J'aime bien la forêt, mais c'est limite. Vous avez une maison au bord du lac, monsieur le maire. Vous vous souvenez? Celle que vous avez prise à la famille Dispute quand le vieux est mort et que vous vous occupiez de l'héritage. Ah, et que je leur avais fait croire qu'il n'y avait que 100 000 francs en héritage et que la maison avait été inondée et détruite par l'eau du lac. Ah oui, c'est vrai. Oh, eh bien, je vais aller pêcher, alors. C'est ça. Vous irez pêcher, oui. Prochainement, dans aussi loin que s'en souviennent les lilas. Il vous faut prendre le maquis, monsieur le maire. Mais enfin, monsieur son conseil, je ne veux prendre personne, moi. Il est hors de question que je fasse des choses sexuelles sans mon consentement. Vincent ? Mais pourquoi es-tu habillé comme ça, Vincent ? On dirait un... Un roi, oui. Ou un demi-dieu païen au choix. Tu aimes ? Je vais faire de la mairie de Bitbourg un château et de Bitbourg un gros, grand et beau royaume. Tu es devenu fou, Vincent ! Non, Rebecca. Vincent est comme il doit être. Jacqueline Boubillard. J'aurais dû me douter que tu étais derrière tout ça. Vous voulez qu'on aille chercher monsieur le maire ? Oui, Carole. Vincent ne sait plus ce qu'il fait. Monsieur le maire doit revenir à Bitbourg. Sinon, nous courons à la guerre civile.